Tais-toi. La constatation d'un souffle conduit d'emblée le médecin à s'enquérir de son origine, cardiaque, extracardiaque, vasculaire, et de sa cause, anatomique ou fonctionnelle. Pour répondre à ces questions, il dispose d'arguments de divers ordres. Mais au premier rang figurent ceux qu'il tire des caractères mêmes du souffle. Pour être complète, l'analyse d'un souffle consiste d'abord à le localiser dans le temps et dans l'espace, puis à étudier ses trois qualités acoustiques fondamentales: son intensité, sa hauteur, son timbre. Au total, 5 objectifs d'intérêt inégal. Le premier est de le situer au sein de la révolution cardiaque, c'est-à-dire en pratique par rapport aux deux bruits. Les diverses variétés chronologiques sont figurées dans un tableau annexe. Il est inutile de s'appesantir sur ce point. Leur identification ne devient difficile que si leurs caractères acoustiques habituels... Le plus banal des souffles extracardiaques. Le mettre par son temps télésystolique. Votre cœur commence à battre fort. Vos tempes se... Écoutez maintenant un souffle holosystolique d'insuffisance mitrale. Malgré l'arythmie complète, son intensité, notez-le, ne varie pratiquement pas d'une contraction à l'autre. Vous sentez l'émotion se diffuser dans votre corps. Vous sentez l'émotion se diffuser dans votre corps. À l'inverse des souffles de régurgitation, les souffles d'éjection se renforcent beaucoup après les diastoles longues. En voici un exemple typique, enregistré au deuxième espace droit. Le malade a un rétrécissement aortique, il est en arythmie complète. Nous allons poursuivre tranquillement cette ascension en écoutant Barbara Lynn, You're Gonna Need Me, suivi d'Irma Thomas, Roller of My Heart. Même sujet, mais cette fois enregistrement à la pointe. Dans sa propagation apicale, you and your new gear. You're flying high now, Jack, and you're seeing the world. But you're gonna need me. You're gonna need me, Daddy, and it won't be long. No, no, no, no, no. You're telling everybody, walking papers coming through, but I don't know anything about that. Seems like only you, but you're gonna need me. You're gonna need me, Daddy, and it won't be long. Got you. your girl. Walking papers too. It's all cleared up. Our marriage is through. But you're gonna need me. You're gonna need me, Daddy, and it won't be long. Yeah, yeah, yeah, yeah. You're gonna need me, Daddy, and it won't be long. I knew you'd be right on back. You're gonna need me, Daddy. Qui vous aime trois fois plus. Hana no kage, aka no tanin wa nakari keri. Pour se l'envoyer. Après cette écoute de Porcelaine de Baxter Dury, très chères auditrices, très chers auditeurs, voici le moment musico-magique de Love, Love, Love. L'émission qui vous aime trois fois plus. Nous allons effectuer en direct sur Radio Dieu 89.5 un tirage des arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Nous en ferons une pertinente lecture que nous illustrerons avec un morceau. Nous avons allumé trois bougies. Nous avons versé un peu de whisky sur le sol pour honorer les dieux et les démons de l'amour. Junto est maintenant dans une sorte de transe. Je la vois trembler sous mes yeux, en direct, sur Radio Dieu. La voici qui psalmodie quelque chose d'imperceptible. Et voici la première carte qui apparaît. Le Butler. Terriblement inspiré, la main de Junto retourne la deuxième carte. La Lune. Et puis la troisième carte et dernière sera... Le Chariot. Pendant que Junto se rhabille, je récapitule notre tirage de cette nuit. Première carte, le Butler. Deuxième carte, la Lune. Troisième carte, le Chariot. Junto, l'amour est revenu parmi nous. Eh bien, Junto, de quoi nous parle ce tirage selon vous ? Écoutez, le Butler pourrait nous évoquer le commencement de quelque chose. C'est vrai qu'il dispose sur sa table de beaucoup de possibilités, beaucoup d'outils. Oui, la jeunesse, la quête initiatique. J'aperçois un sexe féminin entre ses jambes. Oui, effectivement. C'est un élan vital. Peut-être pouvons-nous passer à la deuxième carte, si vous le voulez bien, très cher. Oh oui, je le veux bien. La Lune, oh, pourrait-on dire la carte du féminin par excellence. La Lune, l'inconscient qui s'ouvre à nous, qui se déploie. Ce petit homard qui sort des profondeurs, telles toutes nos idées cachées. Oh, vous êtes coquin, dandy. Pour la troisième carte, nous avons le chariot. La carte de l'action. La carte de la mise en action aussi. Je sens... Je perçois la direction musicale que pourrait prendre ce tirage. Dandy, qu'en pensez-vous ? Je pense à du bleu, en tout cas. Je pense... Une humeur bleue. À la nuit. Ah, une nuit blanche, peut-être. Non, peut-être. ne serait-ce pas... Night in White Satin, de Moody Blue? Vous êtes fort, Dandy. Eh bien, nous allons trouver ce morceau tout de suite. Vous l'avez trouvé? Parfait. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to. And I love you. nous venons d'écouter Night in White Satin des Moody Blues, ainsi que The Wow de Rita Marley et Bonnie Wailer. Petite pensée pour toutes ces dames du Rastafarisme. Et du rock aussi. Vous êtes toujours sur Radio Dio. 89.5. Love, love, love. Parce que il vaut mieux trois. Toujours. L'amour, la vie, l'amitié sont des choses sensibles, fragiles, n'est-ce pas, Dianto? Terriblement. Dylan Carlson, qui a formé le groupe Earth en 1989, achète sur la demande de son ami Kurt Cobain un fusil censé le protéger mais qui ne l'aura pas préservé de lui-même et avec lequel il se suicide en avril 1994. Nous ne pouvons pas imaginer ce qu'a traversé Dylan par la suite. Toujours est-il qu'après un long moment d'absence, le groupe Earth a refait surface aux alentours des années 2000. Nous allons maintenant nous laisser porter par la sombre douceur de Omens and Potent Swan, The Driver par Earth. à l'ombre des fleurs, même un parfait étranger ne l'est déjà plus. Merci Gianto pour cette traduction des vers d'Issa, grand poète japonais au destin tragique, qui nous enchante avec ses vers d'un raffinement exquis. Daniel Johnston commence sa carrière au début des années 80 en composant des dizaines de chansons pour séduire une fille qui finira par épouser un croque-mort. Vendeur chez McDonald's, Daniel distribue ses cassettes fait maison sur le plateau des clients, ce qui lui vaudra son renvoi. Être fragile et sensible, il fit quelques séjours en hôpital psychiatrique et sa carrière fut ponctuée d'épisodes plus ou moins douloureux. Chose étonnante, cher Gianto, ce qu'il fit connaître du grand public, c'est une apparition de Kurt Cobain portant un t-shirt dessiné par Daniel. Il est mort en 2019 de ce qu'on pense être une crise cardiaque. Écoutons maintenant True Love Will Find You in the End de Daniel Johnston. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Look out. strength. I need your tender tongue. Animal, my dear, I miss so much. Our world is empty without you, babe. Our world is empty without you, babe. This whole world, I try to hide my face, and from this loneliness, there is no hiding place. And so, this cold and empty house I dwell. In darkness with memories I know so well. My life is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. Your love more than before. I can hardly carry on anymore. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. My world is empty without you, babe. Diamanda Galas, my world is empty without you. Nous arrivons bientôt au terme de cette première escapade. Nous sommes comblés de cette première émission. En espérant que ce moment a été aussi savoureux pour vous qu'il a été pour nous. Et je vous garantis qu'il l'a été. C'est vrai ? Oh oui. À présent, si vous le voulez bien, cher Gentle, nous allons écouter une reprise dont nous proposerons une version différente à chaque rendez-vous. I can't stand Et démoniaque. C'était la voix d'Angelina Jordan, chanteuse de 7 ans, au piano. Vous aurez reconnu I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Nous avons fini le whisky et c'est l'esprit embrumé par les vapeurs d'éther que nous allons bientôt vous laisser. Ce fut délicieux, n'est-ce pas, Dandy? Oui, Gento. Il se fut très chaud. Love, love, love. Un tsunami dans ton zizi. Nous allons écouter une surprise pour vous, Gento. Une surprise pour moi? Une surprise pour cette première que je vous dédie. Que vous êtes définitivement charmant. Une chanson de Brigitte Fontaine. Qui s'appelle L'orage est fini. Je vous la lance bientôt. L'orage est fini. Nous nous couchons pour mourir de douceur sur des montagnes ensemble. Tout est pâle et nous sourions jusqu'au bout du monde. Nos mains usées jusqu'à la chair, lentement s'avalent. Il n'est plus sur ton visage, les marques de la torture et une brume de bonheur sans remède. Après l'orage, nous nous couchons dans le sang. Voici maintenant le Mardi Gras Brass Band qui nous interprète Jungle Telegraph. Love, love, love vous donne rendez-vous dans 15 jours. Le jeudi 6 mai à 22h. sur Radio Dio 89.5 ou sur radiodio.org pour une nouvelle nuit à Longuy d'amour, de volupté et de musique. Bonne nuit, charmantes auditrices. Bonne nuit, charmants auditeurs. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Et à bientôt. À bientôt. Gentle telegram.